On va rappeler l'équipe. Donc Damien est toujours là, Juju est toujours là, Cyril est toujours là, je suis toujours là. On va poser une série de questions que vous avez posées au préalable sur le chat FAQ Cyril sur notre serveur Discord. Et Cyril pourra y répondre ou non, c'est à lui de décider. Juju, c'est toi qui vas commencer à poser quelques questions, genre 3-4 questions, donc tu choisis celle que tu veux poser. Il y a une question que j'aimerais bien te poser, vu qu'on a un peu parlé de Survivor tout à l'heure. C'est El Predator sur le chat qui demandait quels sont les twists de Survivor que tu aimerais voir dans Koh-Lanta. Bon, si tu peux en citer un ou deux comme ça, que tu as vu des saisons de Survivor que tu aimerais voir adaptées. C'est vrai que moi j'en suis à la saison 17 de Survivor, donc j'ai pas vu tous les gros twists qui peuvent arriver par la suite. Moi, il y a un truc que j'aimais bien, c'était... je crois que c'est Cook Island, je suis plus sûr. Celui par... c'était pas par le fait que ce soit par ethnie, que les équipes soient divisées par ethnie, mais c'est le fait qu'il y ait 4 équipes. Ils ont commencé par 4 équipes, des petites équipes de 5, je crois. Je trouvais que c'était assez drôle, ça donnait une dynamique hyper différente et que c'était pas inintéressant. On l'a fait à 3, le plus souvent à 2, pourquoi pas à 4. Ça pouvait être sympa. Après, il y a aussi l'idée de l'île de l'exil, mais où on peut trouver un collier d'immunité, mais ça a déjà été un peu fait une fois ou deux dans Koh-Lanta. Une autre question, enfin, je vais faire un lien entre deux questions du chat et une question personnelle qui synthétise un peu. C'est à propos du conseil. Du moment du conseil, comment ça se passe? Quelle est la différence entre le conseil tel que vous le vivez et tel qu'il est présenté à l'écran? Ça, c'est ma question. J'y ajoute celle de Soweto qui demande comment ça se passe entre le moment où tout le monde vote et celui où Denis récupère l'urne, et celle de Lucas qui demande est-ce qu'il y a des discussions chuchotées entre les candidats qui sont au conseil que l'on ne montre pas à l'écran, comme dans Survivor, il a pu y en avoir. Bon, alors ça fait partie des coulisses, donc c'est des choses auxquelles je peux répondre, mais succinctement, dans le sens où déjà, le conseil est beaucoup plus long que ce qu'on voit à la télé. C'est un conseil, ça dure peut-être 2 heures, voire 3 heures. Et on ne peut pas chuchoter entre nous, on en a l'interdiction totale, donc, et on est surveillé. Donc on ne peut pas échanger. J'en fais peut-être une dernière et après je passerai la parole. Freeze demandait dans l'hypothèse d'une seconde participation à Koh-Lanta, c'est une éventualité, changerais-tu quelque chose à ton jeu et pourquoi? J'adorerais participer à un retour, ça c'est une évidence. Qu'est-ce que je changerais? En fait, c'est tellement aléatoire par rapport à l'équipe sur laquelle tu vas tomber, les gens avec qui tu vas être. Ce qui est aussi une nouvelle donnée, c'est que je commence à connaître certains des anciens. Donc, si je me retrouve avec l'un ou avec l'autre, ça influence un minimum. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à la question parce qu'il faut voir un petit peu l'état du jeu, même si on a des twists un peu différents, comme là, on a eu la guerre des chefs. Ben, il faut s'adapter en fait en fonction du moment. Et puis en plus, même si j'ai une grosse stratégie, je vais pas vous le dire pour me griller après, ça va. Ah, merci. Alors, Juju, on va laisser la parole à Damien, du coup. Damien, je t'en prie. Alors, une question de Spiro qui demande « Est-ce que les réactions de Mohamed et Nicolas t'ont touché et te touchent encore aujourd'hui ?» Donc, évidemment, sur le moment, ça te touche parce que tu es dans un état émotionnel un peu... c'est pas forcément évident. En plus, moi, j'ai ressenti vraiment une grosse injustice parce que je m'étais dit que j'avais quand même fait tout dans l'ordre de ce qui avait été demandé, c'est-à-dire tirage au sort et compagnie. Donc, je trouvais ça un petit peu gonflé. Et qu'en plus, je n'étais pas forcément suivi par les autres, par Maud. Donc, ça m'a touché sur le moment. Mais honnêtement, ça ne m'a pas touché longtemps, en fait. Ça, l'important pour moi, c'était de rester dans l'aventure. Au final, c'est moi qui ai gagné, puisque c'est moi qui suis resté et pas Mohamed. Donc, ça m'a consolé comme ça. Et puis, on s'est parlé avec Mohamed, tout va bien. Il n'y a aucun souci après coup. Et je ne suis pas du style à être rancunier ou à penser trop sur ce genre d'événements que je trouve un peu ponctuels et pas très représentatifs ni de la personne, ni de ce qu'on a vécu. Alors là, par contre, on va parler plus de ce qui se passe à côté. C'est une question de Koala qui demande Comment t'as su prendre le recul nécessaire suite aux violentes insultes homophobes que tu as pu recevoir pendant la diffusion? Alors, c'est vrai que j'ai eu à quelques moments, donc notamment à deux éliminations fortes des anciens chefs, j'ai eu droit à pas mal de commentaires homophobes. Et c'est vrai que j'ai été très préservé, on va dire, parce que j'ai énormément de personnes qui m'ont envoyé des messages, que je remercie. J'ai même pas pu répondre à tout le monde, c'était tellement j'en avais, c'est pas possible. Et bizarrement, t'as tellement de choses positives, tu te dis, bah c'est super, les gens m'aiment, machin. Et tu te focalises un petit peu sur les 3-4 connards qui t'envoient, eux, des trucs un peu horribles. Et ça te travaille quand même pas mal. Et à chaque fois que je les ai confrontés, je leur ai renvoyé un message en disant, en leur répondant. Et ils m'ont toujours répondu en mode « Ah, mais je pensais pas que tu me répondrais » ou « Ah, je pensais pas que c'était le vrai Cyril », comme si ça n'était pas le vrai Cyril, ça changeait quelque chose, tu vois. Et en fait, il y en a la moitié qui s'excusent. Et parce qu'ils n'ont pas conscience que, en fait, quand ils envoient un message comme ça, ils l'envoient à une vraie personne réelle. Ils envoient à quelqu'un de la télé, quoi, une image. Mais ils n'arrivent pas à associer ça à une vraie personne. Et je comprends qu'il y en ait qui puissent très mal le vivre. Et ça a été le cas. Et moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance, on va dire. Parce que même si j'en ai eu quelques-uns, c'était vraiment pas la grosse majorité. Et c'est drôle de voir à quel point, genre, enfin, quand tu leur réponds, ils assument beaucoup moins tout d'un coup. Mais c'était très très drôle, c'est de voir justement d'un coup ils sont là, ah mais je pensais jamais que tu me répondrais, ou pardon, ou mais en fait t'es un mec super, t'as l'air très sympa, enfin tu dis mais ça, porte tes couilles, tu vois, continue de m'insulter si tu veux, mais sois un peu logique. Et après, oui, j'ai pris beaucoup de recul en me disant de toute façon, c'est pas la majorité et que ça. J'ai heureusement assez d'assurance en moi et en qui je suis. Ma sexualité n'a jamais été un souci pour moi pour que ça ne m'atteigne pas plus que ça. Après, je me suis quand même dit, bah voilà, c'est pas encore gagné et il va falloir encore lutter un petit peu pour que l'acceptation soit plus globale. Alors, je vais prendre une question plus légère de Jen Ledger. Dans quelle autre saison de Koh-Lanta t'aurais adoré jouer ? Moi, c'est quand j'ai postulé de très nombreuses reprises et j'ai passé les premiers castings que j'ai passés, c'était pour 2017, j'ai un trou de mémoire sur le nom, c'était Cambodge. C'était celui où il y avait aussi trois équipes. Et je me dis, j'aurais juste voulu pour le fun, c'était pas forcément le plus intéressant des Koh-Lanta, mais comme j'avais passé une partie des castings et que j'aurais pu, bah potentiellement, bon après quand je vois tous les castings que moi j'ai passés pour aller jusqu'au bout, je me dis que j'étais loin, loin, loin d'y arriver. Mais j'aurais bien voulu me tenter dans cette aventure puisque je m'étais un petit peu projeté à l'époque. Je vais prendre le relais. Alors je vais poser une de mes questions tout d'abord. Est-ce que ton regard sur tes adversaires a changé au cours de la diffusion de ta saison ? Je pense que oui. On parlait tout à l'heure là, autour du feu de Steve. J'ai compris l'impact stratégique que Steve avait eu, dont je n'avais pas du tout conscience sur le camp. Ça a été une révélation. Tout comme Mohamed qui fait semblant de s'excuser pour essayer de m'endormir après l'histoire des courriers, ça j'en avais pas conscience non plus à ce moment-là. Donc tu penses un petit peu différemment et tu envisages différemment les gens. C'est pareil Chloé qui est quand même très girouette, dont on n'avait pas tant conscience que ça nous, en tout cas vu que tu n'as qu'une seule partie de l'histoire. Donc c'est vrai que tu envisages les gens un petit peu différemment après la diffusion. Une question de Grumeau maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils ont préféré éliminer Alexandre plutôt que toi à la réunification ? Alors, ils ont préféré éliminer Alexandre plutôt que moi parce que Alexandre était notre ancien chef, que sportivement, il faisait plus peur que moi et que on l'a vu un petit peu à la diffusion, mais c'était plus présent encore sur les jeux. C'est quelqu'un qui est hyper dynamique et qui est à fond dans la compète. Et sur les épreuves, il gueulait beaucoup. Et souvent, et moi qui suis un gueulard au water polo quand je suis dans le sport, c'est moi qui lui disais de se calmer, de se taire et de nous laisser nous concentrer. Et voilà. Et je pense que cette image-là qu'il a véhiculée de quelqu'un de hyper compète, de un peu teigneux, tenace, qui gueule et qui en plus est fort sportivement, l'a desservi. Parce que quand ils l'ont découvert dans le jury final, ils l'ont trouvé extra et super sympa, comme nous on le connaissait. Et ils ont totalement changé d'avis sur lui. Mais du coup, ça l'a desservi et ils ont préféré l'éliminer lui plutôt que moi. Une dernière question, après je repasserai le relais à qui veut. Une question qui me concerne en premier abord. Comment as-tu découvert le podcast autour du feu? Question de Lucas. J'ai découvert, en fait, c'est un enchaînement de choses parce que c'est Fred qui nous a, Fred, donc de ma saison, qui nous a parlé du forum Big. On est tous allés voir un petit peu le forum Big, mais personne n'est trop resté dessus, sauf, je crois, Fred et moi. Et moi, je suis devenu vraiment accro au forum et j'ai commencé à lire tous les jours, je lisais vos commentaires, même avant diffusion. Et en lisant tout ça, j'ai découvert l'existence de Autour du Feu. Et ça m'a amené à aller être curieux, d'aller regarder un petit peu ce qui se faisait, ce qui se disait. Et voilà, c'est l'enchaînement de Big et de Autour du Feu. D'abord, Paul qui demande, est-ce que tu t'es reconnu quand tu as regardé la saison à la télévision? Est-ce que tu as aussi reconnu les autres candidats? Très clairement, il y en a plein qui vont me dire non, mais t'as vu le montage, machin. Je suis désolé, mais je suis pas d'accord. C'est-à-dire que le montage, il est peut-être un petit peu axé, mais si tu as dit quelque chose, tu l'as quand même dit. On t'a pas obligé à le dire. Ils font pas que reprendre dans des contextes différents, c'est pas vrai. Moi, je me suis complètement reconnu. J'ai totalement reconnu les uns et les autres. Et même si des fois, oui, ils ont pu éluder certains petits traits de caractère, mais quand même, on se reconnaît tous et ceux qui disent le contraire, c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise image et qu'ils n'assument pas trop, je pense, vraiment. Et la deuxième question, elle a été posée par Topizza, qui demande qu'est-ce que c'était ton épreuve préférée dans ton Koh-Lanta et dans Koh-Lanta en général? C'est dur de répondre à ça parce qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans. Tu as des épreuves mythiques que tu as absolument envie de réaliser, comme la pierre sous l'eau, la dégustation, le koala. Mais il y en a qui te marquent plus. Donc moi, je pense que clairement, celle du panier en duo avec Maud où on gagne, évidemment, ça m'a beaucoup plus marqué parce qu'on a gagné. Donc c'est fort. Et je dirais que l'épreuve du koala aussi m'a beaucoup marqué parce que je l'attendais parce que j'avais très envie de la faire. Et un peu comme celle des trapèzes aussi. Et ouais, c'est un petit peu les choses mythiques que tu avais envie de réaliser. C'est des rêves de gosse, quoi. Alors, moi, j'ai un beau triplé de la part de Synecdoque. Donc, première question, après Koh-Lanta, est-ce que tu as vite repris du poids? Donc moi j'ai perdu 15 kilos sur l'aventure et j'en ai repris un peu plus de 20. Voilà. Et j'ai repris assez rapidement. Ouais. Je pense que quand ton corps est dans une carence comme ça, très forte sur un moment donné, tu fais plus trop gaffe. Les garçons, ils ont repris le sport à donf, notamment Maxime, Alexandre. Mais moi, j'avais vraiment une grosse flemme en fait. Et là, j'ai reperdu. Je me sens mieux dans mon corps, mais j'ai pas retrouvé ma silhouette d'avant le départ. Mais c'est une progresse. D'accord. Ouais, c'est surtout en fait moi ce que je dis niveau musculature en fait, c'est parce que je pense que tes muscles doivent beaucoup fondre. Ah mais c'est ça. C'est-à-dire que tu perds des kilos, mais tu as perdu tes muscles. Mais là, quand je redis, je reprends 20, j'ai repris 20 kilos, j'ai repris 20 kilos de graisse. J'ai pas repris 20 kilos de muscles. Clairement. C'est vraiment ça le problème, parce que reprendre, il fallait que je reprenne, j'étais à 65 kilos, c'était pas possible. Mais reprendre que de la graisse, non, c'était pas le bon plan. Donc tu reprends, mais ton corps reprend pas la forme qu'il avait, quoi. Alors, deuxième question autour de Synecdoque. Comment est-ce que tu as vécu ton arrivée au jury? Entre parenthèses, on n'en voit pas assez selon moi. Mon arrivée au jury, clairement, moi j'ai un peu halluciné. Je me suis dit qu'ils auraient eu un peu plus de recul que ça. J'ai même Alexandre me faisait un peu la gueule. Enfin, je me suis dit, bah, C'est un... et, ok, je vous ai, j'ai été en grande partie cause de votre élimination. Et oui, je suis allé plus loin que vous, mais je pensais pas que Mohamed aurait pu réussir à monter tout le monde contre moi et qui est un tel. Ouais, c'était glacial, quoi. Franchement, il n'y a que Fred qui a été hyper sympa, qui est venu après me voir, avec qui on a parlé. Et petit à petit, je ne suis pas resté très longtemps au jury final, je suis resté une journée et demie. Mais du coup, je suis allé voir ceux qui étaient isolés un petit peu pour parler. Et ça s'est désamorcé petit à petit. Mais c'est vrai que c'était un petit peu malaisant pour moi et comme pour tout le monde, je pense aussi. Et enfin, la troisième. Ça, c'est plus une question vraiment sur l'évolution du jeu en général. Dans l'avenir de Koh-Lanta, est-ce que tu aimerais voir le jury final assister au conseil de la réunification ? Alors, c'est vrai que dans Survivor, c'est ce qu'ils font. Je me dis, là, moi, comme je l'ai vécu, bah, il y a eu quand même une sorte de Cyril bashing sur le jury final. Et tu n'es pas là pour ni te défendre, ni quoi que ce soit. Au moins, si les jurys finales viennent assister, ils peuvent se faire d'eux-mêmes leur opinion par rapport à ce que tu réponds et ce que tu dis. Je pense que dans Koh-Lanta, vu que ça n'a jamais été fait, ils pourraient peut-être le faire comme un twist sur une saison. Ça pourrait être intéressant. Comme là, il y a eu les chefs, là, ils pourraient faire venir voilà, le jury final pour assister. Est-ce qu'ils vont l'instaurer ? J'en suis pas sûr. Mais moi, j'aimerais bien, en tout cas. Bah, moi, je me suis quand même posé cette question parce que j'ai postulé à de nombreuses reprises. Je me suis dit que je leur apportais quelque chose de différent, c'est-à-dire que je me suis fait agresser aux États-Unis et je l'ai mis vraiment dans mon storytelling de présentation de candidature. Pendant toute mon casting, on en a beaucoup parlé. Même sur l'île, à plusieurs reprises, j'en ai parlé. Et pas une seule fois, ça a été diffusé. Alors que je pense que clairement c'est ce qui les intéressait de base. Ils se sont dit que j'avais quelque chose, un storytelling un peu en plus à mettre en avant, comme ils ont fait avec Béatrice et son frère, comme ils ont fait avec Aurélien qui a perdu sa mère, ou des choses comme ça. Et moi, un petit peu la surprise que j'ai eue, et puis une bonne surprise que en tout cas j'ai trouvée, parce que c'est qu'ils ne l'ont pas du tout diffusé. Ils n'en ont absolument pas parlé pendant l'aventure, et je me suis dit que j'avais eu des choses autres à leur proposer, qui étaient. Mon personnage finalement était assez riche pour qu'ils aient besoin de me rajouter ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien, j'étais très content de ça en fait. Une autre question de Sinek. Est-ce que les candidats discutent de leur vote final avant le jury final, ou est-ce que dans ta saison, le vainqueur a été plus ou moins décidé à l'avance ? Quand tu es au jury final, tu ne sais pas qui sont les 5 dans les 5 derniers, tu ne sais pas qui va arriver en finale. Donc déjà, ça c'est aussi l'intelligence de Koh-Lanta, c'est que tu ne peux pas vraiment te décider à l'avance puisque tu ne sais pas qui vont être les 2 derniers. Évidemment, tu as ton ordre de choix. Tu fais toi-même, il te pose la question d'ailleurs sur ce que tu as voté dans l'ordre, mais tu peux pas vraiment prévoir finalement qui va gagner et comment tu vas gérer quoi. Et en même temps, moi, je suis pas resté assez longtemps pour pouvoir influencer qui que ce soit en disant vote mode. C'était les jeux étaient déjà faits pour les 5 derniers quoi. Alors ça, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure autour du feu. Moi, je ne me suis jamais ennuyé parce que je me suis donné les moyens de ne pas m'ennuyer. C'est-à-dire que j'ai toujours bougé. J'ai fait la table, des étagères, de la déco. Je cherchais des coquillages. J'allais toujours en vadrouille faire quelque chose. Il y en a beaucoup qui se sont ennuyés, en effet, parce qu'ils ne faisaient rien. Mais c'est vraiment propre à ta personnalité en fait et à ce que tu fais, ça va dépendre en fait du candidat à qui tu parles. Moi clairement je me suis pas jamais ennuyé. J'ai créé, ils l'ont pas montré, c'est dommage, mais j'ai créé un jeu de pétanque avec des noix de coco auquel on a joué plusieurs fois, notamment avec Maud et Cindy. D'ailleurs, quand Mohamed dit que je masse les filles, ben en fait, j'ai perdu à la pétanque. C'est comme Cindy avait gagné, le gage c'était celui qui perd masse l'autre. Donc voilà, c'est tu vois, des petits raccourcis comme ça. J'ai créé aussi un jeu du loup-garou avec de l'écorce. On a joué au loup-garou à la réunification à 15, c'était très drôle. Non, pas 15, on était 14, mais c'était très drôle. Ouais. Donc ouais, tu t'ennuies si tu te bouges pas, quoi. Une question de Strom Solar, donc de Flo. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé, enfin, tu as déjà un peu répondu, bah, du coup, tu as déjà un peu répondu, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé voir diffusées et qui n'ont pas été diffusées? Bah oui, voilà, ça, je pense que j'aurais bien voulu le voir. Si je vais plus loin, on en parlait avec Maud l'autre jour. C'était quoi déjà? Ah, j'ai un trou de mémoire. Si, le dernier, dans les derniers. On a Steve a trouvé un long bis, c'est un espèce d'énorme coquillage qu'on a du coup, que j'ai cuisiné et qu'on a mangé et qui était hyper bon, mais c'était un mollusque énorme, c'est un peu pas très ragoûtant de base, mais c'était très très bon et je l'ai sorti de sa coquille, je l'avais mis sous mon t-shirt et j'ai fait alien genre qui sortait de mon on a beaucoup rigolé, voilà. Après on a mangé. Pato qui te demande que penses-tu du twist des capitaines, est-ce qu'il avait un réel impact sur le camp, et on va lier ça avec la question d'El Predator qui te demande si tu aurais préféré que la saison se fasse à deux équipes. Alors moi c'est vrai que le twist des chefs j'étais pas très très fan, je me suis dit ah mince, j'ai senti que ça allait attirer beaucoup l'attention sur les chefs, qu'il fallait surtout pas être chef parce que forcément ça venait une target sur toi, mais je me suis dit est-ce que ça va être intéressant pour le téléspectateur, est-ce que j'aurais moi en tant que téléspectateur aimé ça, j'étais pas sûr, surtout quand il y a eu l'épreuve de confort où ils étaient que tous les trois à jouer et que nous on faisait que regarder, je me suis dit bon c'est un peu limite, donc j'étais pas spécialement emballé. Par contre on ait été à trois équipes, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai trouvé ça plutôt cool. J'étais même plutôt content que ça change un peu à ce niveau-là et qu'on soit la deuxième saison à faire ça. Non, ça ne m'a pas gêné qu'il y ait trois équipes. Alors, même si tu as déjà plus ou moins répondu, on va quand même te la reposer au cas où. Une question de Cers qui te demande quel candidat de ta saison, à part Maud, t'a le plus impressionné? Alors, qui m'a le plus impressionné, c'est pas facile parce que tu as impressionné sur différents aspects. Moi, je pense que Cindy m'a quand même pas mal bluffé parce que elle, au niveau stratégie, au niveau ambiance de camp et personnalité, elle a su fédérer, elle a été quand même super forte. Est-ce que si on avait été justement dans une équipe de deux équipes, est-ce qu'elle aurait pu tenir? Parce que le truc, c'est qu'il aurait fallu qu'elle arrive à la merge. Pour aller plus loin, là, le fait que les rouges perdent tout, elle a réussi, mais est-ce qu'elle aurait pu y arriver dans un autre contexte? Je ne sais pas. Et l'autre personne qui m'a quand même impressionné, on ne va pas se mentir, c'est Maxime. Il a été quand même super balèze sur les épreuves. Et c'était bien d'avoir un candidat très fort comme ça aussi, parce que ça te challenge et ça te donne envie de te dépasser. On va aller les dernières questions, celle de Gargo. Bon alors, moi, il y a quand même plusieurs personnes avec qui je n'ai pas de relation particulière. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'apprécie pas ou qu'on n'a pas voilà, une entente cordiale. Mais en tout cas, c'est sûr, il y a trois personnes avec qui il n'y a pas de lien particulier. Ça va être Victor, mais bon, ça, je pense que c'est un peu commun à tout le monde. Ça va être Béatrice, parce qu'on n'a pas spécialement d'atomes crochus. Et Steve, parce que pareil, voilà. J'ai beaucoup plus de relations avec les autres. Même en parlant de Mohamed ou Nicolas, avec qui j'ai eu une embrouille, j'ai beaucoup plus de relations avec eux qu'avec les trois autres. Et du coup, quel serait ton candidat vraiment préféré de tout Koh-Lanta, toutes saisons confondues? Ah, c'est dur ça. Ça, c'est très très compliqué parce qu'il y a tellement d'aspects qui rentrent en compte. Il y a l'aspect sportif, survie, stratégie. Moi, en tout cas, la personne qui m'a le plus marqué, qui m'a donné envie de participer à Koh-Lanta, c'est la deuxième gagnante, c'est Amel, C'est parce que c'était peut-être une vraie bisou et tout, mais c'était vraiment, j'avais une empathie énorme avec elle et j'avais tellement envie qu'elle gagne face à Nicolas et elle m'a donné envie de m'inscrire à Koh-Lanta. Donc pour moi, elle a été très marquante. Après, c'est dur. Chaque saison, j'ai des chouchous, évidemment, comme tout le monde. Mais est-ce qu'il y en a un qui ressort plus que d'autres? C'est compliqué. Eh bien, c'était très complet. Je pense qu'on a fait le tour. On allait dans le détail de tous les petits points qui façonnent Koh-Lanta et de tous les petits points internes à un jeu en particulier. Et là, c'était le tien. Je vais remercier Juju et Damien, et également Jules, qui n'est plus là, d'avoir été intervenant pendant cet épisode. Donc, merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Damien, Juju, Cyril, Jules, tous les autres, merci d'être venus aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois, le dimanche à 14h. Vous connaissez l'heure, c'était Plancaster, c'était Autour du Feu. Salut. Salut. Salut. Salut.